Bonsoir tout le monde et merci pour tous ceux qui sont venus. Bien que je n'ai pas vraiment prévenu tout le monde, veuillez me pardonner. Donc je vous salue tous, soyez tous salués. Bonsoir. Merci beaucoup pour ceux qui sont fidèles, qui ont reçu les alertes. Et je tiens à remercier ceux qui, de loin et de près, ne cessent de se soucier de moi ici, parce que vous savez, les médias vous le disent, hein, que les États-Unis d'Amérique restent le pays actuellement le plus touché par ce virus. Effectivement, les faits sont là. Dans le département où je travaille, le département psychiatrique, nous avons deux médecins qui sont en quarantaine en ce moment et nous avons une infirmière d'État qui malheureusement est entre la vie et la mort et nous avons un collègue psychothérapeute qui lui également est mis en quarantaine. J'ai discuté avec lui au téléphone, il a l'air de bien se porter. Et c'est ce qui explique un peu ce silence depuis ce dernier temps. Vous avez dû constater que je ne communiquais plus trop. Pardonnez-moi pour ceux-là qui ont constaté mon silence, mais je crois que vous devez tous imaginer pourquoi. Je vous l'ai toujours dit, tous ceux qui sont avec moi ici savent que je travaille ici en tant que fonctionnaire dans le département de la santé publique, mais beaucoup plus dans le domaine de la psychiatrie. Nous travaillons donc dans un milieu où les gens sont très déprimés en ce moment parce que ces mecs-là sont privés des visites de leur famille. Ils sont privés d'aller dehors parce que c'était un peu ce que nous faisions. De par les mesures que notre gouverneur a renforcées, notre État a donc renforcé des mesures assez importantes où il fallait immédiatement, dès la première semaine, priver la visite de, comment dirais-je, auprès de ces malades mentaux. Certains, le département où moi je m'occupe, je deal beaucoup plus avec ceux qui sont à 80% de fonctionnalité normale, c'est-à-dire que ils sont dans une prison psychiatrique. C'est des mecs qui ont tué pour des raisons d'insanité. On les appelle comme ça. On appelle ça comme ça en langage psychiatrique. NGRI. NGRI means not guilty for reason of insanity. En d'autres termes, ils ont été plaidés non coupables pour raison d'insanité. Ça veut dire que sous l'effet de la colère, qui à un certain niveau, lorsque vous ne contrôlez plus votre colère, vous devenez donc un malade mental. D'autres, pour des raisons des traumatismes psychologiques qu'ils ont traînés dans leur subconscient. Et ça a un rapport effectivement avec l'enseignement que nous ferons aujourd'hui. En fait, en réalité, le titre devait être quel est le rapport entre l'affaiblissement de notre système immunitaire, hein? Quel est le rapport entre l'affaiblissement de notre système immunitaire et également le côté spirituel? Comment on peut amener ces deux ensemble? C'est-à-dire que comment mentalement on peut contribuer à l'affaiblissement de notre système immunitaire. Voyez-vous? Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, mais le titre, je l'ai un peu mis sous une autre forme. Hein. Je me rappelle même plus ce que j'ai écrit, mais vous comprendrez au cours de ce moment que nous allons passer ensemble, la relation, la corrélation qu'il y a entre l'affaiblissement de notre système immunitaire et notre comportement mental. Parce que en ce moment aussi difficile, c'est ce que j'essaie de dire à certains de mes collègues, que ce n'est pas forcément un malheur que Dieu a déversé sur les hommes. Ce n'est pas forcément. Il y a beaucoup de théories. Les gens sont en train d'amener mille et une théories. Hein, que vraiment, ce sont les blancs qui veulent éliminer les noirs. Certes, c'est vrai, il y a certaines théories qui, de par le qu'on appelle ça, à cause de ce qui se passe actuellement sur l'Internet, on découvre beaucoup de choses. Eux-mêmes, ils l'avouent, il y a des médecins qui y parlent. Mais là n'est pas le propos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de nous-mêmes. Nous, en tant qu'individus, et vous qui êtes avec moi ici sous le baobab, comment vous pouvez, à travers certaines informations que je vais vous donner, pardonnez-moi du retard que ça a pris parce qu'il a fallu, je ne suis pas médecin, hein, généraliste, mais je suis beaucoup plus spécialisé dans la psychologie du comportement. Ou en d'autres termes, je suis beaucoup plus psychothérapeute. Je m'occupe beaucoup plus des cas des malades mentaux ou du comportement en général. Il était donc important pour moi que je puisse m'armer de certaines informations. Bon, qu'est-ce que c'est d'abord le système immunitaire? Faut-il le rappeler? S'il y a certains qui sont du corps médical ici, pourront peut-être venir me contredire. C'est-à-dire que ce que nous appelons le système immunitaire, c'est quoi? Dans notre corps. Les gens confondent les anticorps, ils confondent le système immunitaire. Bon. Au vu des discussions que j'ai eues avec quelques collègues, quelques amis qui sont médecins, ils m'ont dit que le système immunitaire, en fait, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les cellules dans notre corps, cet ensemble de cellules dont le rôle est de pouvoir défendre l'organisme contre les infections de tout genre. Hein? C'est-à-dire que le système immunitaire, en d'autres termes, c'est l'ensemble de toutes les cellules qui sont dans notre corps, partant des cellules au niveau de notre cerveau jusqu'à la plante des pieds. Toutes ces cellules-là ont pour rôle, n'est-ce pas, de défendre l'organisme et défendre notre organisme. Notre organisme, c'est quoi? Et comme vous le savez, c'est l'ensemble des tissus, l'ensemble des organes, l'ensemble des cellules. Donc, tout cela constitue ce qu'on appelle notre organisme. Maintenant, il y a un système, c'est ce système-là, qu'on appelle le système immunitaire. Qu'est-ce que c'est? J'ai déjà défini ce que c'est. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de toutes les cellules-là qui nous permettent de nous défendre contre certains agents étrangers. Et ces organismes étrangers, en dehors de notre organisme en nous, notre organisme en nous est constitué d'un ensemble de ce qu'on appelle des anticorps. Maintenant, il est malheureusement bombardé ou attaqué par des virus. Et c'est le cas du virus, par exemple, que nous sommes en train de vivre tous les jours, le virus Corona. Il y a bien d'autres. Il y a le virus VIH, le virus du SIDA. Et il y a également certaines bactéries. Et donc, comme je disais, cette défense ou cette protection de notre organisme contre ces organismes étrangers-là passe par également, il y a aussi d'autres formes d'attaque. Les autres formes d'attaque, c'est quoi? Ce sont ce qu'on appelle les molécules étrangères. Les molécules étrangères, vous les trouvez généralement, par exemple, ici en Europe, quand il commence à faire chaud, il y a ce qu'on appelle des pollens, les polluants. En anglais, on les appelle des pollens. Et souvent, vous voyez les gens qui éternuent. Souvent, ils éternuent. Pourquoi? Parce qu'ils sont défavorisés ici, dans les pays des Blancs. Dans les pays des Blancs, ils n'ont pas la forêt comme nous, chez nous. Chez nous, le problème de pollen n'est pas très, très, très populaire. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que la mère nature, donc nos forêts, peuvent contenir efficacement les attaques de ces agents-là. Ces agents, c'est qui, disais-je? Ce sont les pollens. C'est aussi la pollution. Il y a trop de pollution, et ces pollutions, notamment du pétrole, les pollutions des produits chimiques, la pollution qui provient de la production de l'homme, c'est-à-dire que cette pollution provient de tout ce que l'on produit. Donc, ces molécules, les molécules étrangères qui viennent attaquer notre système immunitaire, n'est-ce pas, provient de ce que l'homme fait, c'est-à-dire la manipulation de l'homme. Ce qui fait que notre système donc immunitaire doit réagir vite pour s'en débarrasser de cela. Voyez-vous, il faut une réaction immédiate. Donc, il faudrait que notre système, en tant qu'agent de défense de nos anticorps, agent de défense contre toute forme de maladie et autres virus de tout genre, alors notre système immunitaire donc, a été conçu par Teta Mwanga de telle sorte que sous couvert de toutes les cellules dans notre corps, et pour votre information, ces cellules-là, nous allons en parler là, dans le monde spirituel, ces cellules ont leur rôle vital, ont leur taux de vitalité en fonction de ce que nous consommons mentalement et matériellement, c'est-à-dire ce qui rentre dans notre bouche et ce qui rentre dans notre tête. Tout cela constitue et renforce, n'est-ce pas, ou donne la force aux cellules de notre corps, voyez-vous? Donc, c'est un peu ça qu'il faut retenir, et que la réaction de notre système immunitaire dépend de la force de nos cellules, parce que pour permettre nos cellules d'avoir une armée assez forte pour pouvoir nous défendre contre ces virus, et malheureusement, il y a ceux qui tombent sous le coup. Ceux qui tombent sous le coup, c'est qui? Les personnes âgées. Ici, je tiens à adresser mes condoléances à tous mes compatriotes du Cameroun, de manière générale, quand même, M. Manu Dibangu, c'est un grand icône de la musique, de plus de 60 ans, et qu'il a été dans le monde de la musique. Bon, le monsieur avait 86 ans d'âge. Les scientifiques, là, je tombe d'accord avec eux que, de manière scientifique, mais pas forcément spirituellement, parce que vous pouvez, à l'âge de 100 ans, avoir votre système immunitaire toujours fort. Mais malheureusement, la science aujourd'hui nous prouve que, surtout si au cours de votre âge, vous n'avez pas, dès le jeune âge, on ne vous a pas exposé à faire du sport, on ne vous a pas exposé à ce genre de connaissances de base que je viens passer auprès de vous. On en parlera tout à l'heure dans votre alimentation, ce que vous devez consommer et quels sont le genre d'aliments qui peuvent vous permettre de renforcer votre système immunitaire. Mais je voulais quand même ici vous amener quand même dans le domaine de la médecine générale, dans le domaine de la science générale, pour vous informer que le système immunitaire, c'est l'ensemble de toutes nos cellules dont le rôle est de défendre notre organisme contre des infections de tout genre, contre les virus, contre certaines bactéries et contre également certaines molécules étrangères qui sont étrangères à notre corps. Donc, en d'autres termes, nos anticorps sont affectés par des corps étrangers. Et également, notre système immunitaire peut prendre un coup à partir des vaccins qu'on vient nous imposer, c'est-à-dire des vaccins qui n'ont rien à voir avec nos réalités à nous. Là, en ce moment, je ne vais pas parler politique ici, mais je parle de manière scientifique et je vais parler de manière rationnelle. J'ai appris déjà qu'il y a près de plus de 10 millions de vaccins qui sont déjà envoyés vers le Congo pendant que cette crise a commencé. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas du tout. Alors, étant donc, il est très important que j'aborde ce sujet, surtout à l'ère du coronavirus. Donc, je disais que notre système immunitaire doit donc réagir immédiatement. Maintenant, nous, en tant qu'initiés, à la base des connaissances que nous avons et des expériences que nous avons connues, je vous ai toujours fait mon témoignage que lorsque je suis arrivé dans ce pays, on m'avait imposé de prendre ce qu'on appelle le flu shot. Le flu shot, c'est, si vous voulez, c'est un vaccin contre la grippe, un vaccin grippaire. Parce que, selon eux, ben, je suis au pays ici où il fait froid et c'est une obligation, sinon je vais tomber malade, ceci, cela. Je dis non. Moi, mes anticorps sont renforcés et je vais partager avec vous donc mes secrets à moi qui font en sorte que mon système immunitaire est toujours renforcé. Quel que soit le virus, quelle que soit la bactérie, quels que soient les polluants, je reste toujours le même, voyez-vous. Mais ils sont allés contre ma volonté. Bon, j'ai accepté en 2004 donc, de me faire vacciner. Oh là là, j'étais entre la vie et la mort. 2 semaines d'hospitalisation, c'était grave. Ils sont venus me dire, « Yeah, we understand, you know, your immune system is not used to this. » Yeah, we understand that your antibodies are reacting because of the new bodies we injected in your system. I said, listen, I'm an African man. My DNA is in Africa. My DNA is coming from Gabon. So you cannot force me to accept a strange body into my system. And this is, I mean, well, because you just got this job, if you don't do it, you know what I'm saying? It's a part of the protocol you have to follow up. Bref, je ne peux pas trop continuer en anglais. Je tiens tout simplement à me dire que non. Vous êtes tombé malade parce que vos anticorps donc, n'étaient pas habitués à ces corps étrangers, ainsi de suite. Et bien voilà pourquoi vous êtes tombé malade. J'ai dit non. La réponse est non. C'est parce que tout simplement, mon système immunitaire, qui a déjà un ensemble de cellules, dont adéniques, parce que mes cellules sont influencées par mon ADN également. Ça, c'est des défis scientifiques que vous, les scientifiques, avec vos conneries, vous ne pouvez pas maîtriser. La mère nature, elle est complexe. Vous comprenez? Donc, moi, mon organisme a été tel que depuis mon jeune âge, jusqu'à l'âge de 12 mois d'après la naissance, okay, ma mère m'a nourri avec son sein. Ah oui, j'étais au sein jusqu'à 1 an, la pauvre. Et en dehors de ça, elle m'a donné des soupes, des patates douces, de ceci et cela. Donc, vous ne pouvez pas. Et je mangeais mes bananes douces, je mangeais le poisson, la silure, la carpe. Tout ça, mon système immunitaire était déjà habitué à cela. Et ma maman m'a exposé aux feuilles amères, ainsi de suite. Bref, donc ça rejoint tout de suite l'explication que je vais donner, que notre système immunitaire, donc c'est l'ensemble de toutes les cellules qui ont pour rôle de nous défendre contre certaines bactéries étrangères, contre certains organismes étrangers, contre certaines molécules étrangères. Bon, malheureusement, ces organismes étrangers et molécules étrangères sont fabriqués par l'homme. C'est la manipulation de l'homme. Et parmi celles-ci, nous avons les vaccins. Nous avons parlé de l'Ebola, et donc jusqu'ici, les scientifiques ne comprennent pas, ils sont contradictoires. Nous avons parlé le cas du virus VIH. Bon, là, je ne reviendrai pas là. Comment ça fonctionne? Okay? Là, je tente de vous donner la définition. Comment est-ce que notre système immunitaire donc fonctionne? Eh bien, je veux donc toujours m'atteler, aller dans l'explication que j'ai eue auprès de mes amis médecins et scientifiques, et puis mes petites recherches. Voilà. Les cellules, donc, dans le corps, nous avons ce qu'on appelle des cellules souches. Les cellules souches lymphoïdes. Donc, ces cellules souches lymphoïdes donnent naissance aux globules blancs de petite taille. Et comment on appelle ça? Ces globules blanches de petite taille vont finalement donner qu'on appelle des lymphocytes, autant pour moi. Et ces lymphocytes blancs, les lymphocytes blancs, qui sont en d'autres termes les globules blancs, vont se transformer en cellules plasma. Et ces cellules plasma, à leur tour, vont finalement produire ce qui se trouve dans notre corps qu'on appelle des anticorps. Est-ce que vous m'avez suivi jusqu'ici comment ce phénomène-là fonctionne, le phénomène du système immunitaire? OK? Je vais reprendre. Donc, le système immunitaire fonctionne de la manière suivante. Il crée donc les cellules. Il y a les cellules, n'est-ce pas? Parce que souvenez-vous que ces cellules, c'est l'ensemble des cellules qui doivent nous protéger contre des agressions extérieures. Donc, ces cellules donc, qui sont de souche lymphoïde, lymphoïde autant pour moi, vont donner naissance à des globules blancs. Et ces globules blancs, on les appelle des lymphocytes. Et ces lymphocytes, autant pour moi, blancs, vont se transformer en cellules plasma. Et ces cellules plasma vont donc produire ce qu'on appelle des anticorps. Et ces lymphocytes, les scientifiques appellent ça les lymphocytes T, ce sont ces lymphocytes T qui coordonnent donc les réponses immunitaires rapides dans notre... Je sais pas, on est perturbé. Je ne sais pas si je vais encore continuer sur ma caméra ici. Peut-être qu'il faille que je passe au téléphone parce que ça, c'est quelque chose de très important là, que vous devez en profiter ce soir. Vous comprenez? J'y ai réfléchi à cela. En tant qu'initié, il faut que je fasse quelque chose pour vous. Mais malheureusement, la technique nous emmerde là. Pardonnez-moi mon langage. Donc, je disais que les cellules souches lymphoïdes, donc ces cellules souches lymphoïdes donnent naissance à des globules blancs, lesquels globules blancs de petite taille qu'on appelle les lymphocytes, et ces lymphocytes donc blancs vont se transformer en cellules plasma et à leur tour vont produire des anticorps. Donc, mais ces lymphocytes-là, on les appelle les lymphocytes T. C'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Demandez aux médecins, ils vont vous expliquer. OK? Ceux qui font biologie. Je ne fais pas biologie, moi, je fais psychiatrie. Donc, ces lymphocytes T, vous pouvez donc Google faire la recherche, ces lymphocytes T, à leur tour, qu'est-ce qu'ils font? Ben, leur rôle, donc, c'est de coordonner la réponse rapide de immunitaire de tout le corps. OK? Et ce qu'il fait, c'est que ce fameux lymphocyte T fait sous couvert de, donc, on appelle la cellule, parce que ces lymphocytes, n'oubliez pas, viennent des cellules du corps. Parce que là, on vous explique comment nos cellules du corps nous protègent contre ce virus-là, effectivement. Nous protègent contre les organismes étrangers. Nous protègent contre les molécules que nos frères blancs fabriquent dans leur laboratoire. Donc, c'est cette explication que je m'avais tué à pouvoir ici essayer de mettre l'accent. Donc, les cellules lymphoïdes donnent naissance, ce qu'on appelle... qu'on appelle ça, les globules blancs. Et ces globules blancs, donc, qui sont de petite taille, on les appelle en science des lymphocytes. Et ces lymphocytes s'appellent les lymphocytes T. Et ce sont ces lymphocytes T-là qui produisent les anticorps. Donc, leur rôle étant de produire ces anticorps-là dans notre organisme, là, je vais vous amener le langage de la terre des humains. Donc, ce sont ces anticorps-là, justement, qui sont là comme nos protecteurs, nos garde-fous, nos soldats. Ce sont eux qui protègent notre corps contre toute forme d'anticorps étrangers. Et tous ces anticorps, hein? Voilà, merci beaucoup. Merci. Vous avez tout compris. Donc, et maintenant, ces anticorps qui ont été produits donc par les lymphocytes T ou de type B, ça dépend, ces anticorps-là, donc, maintenant, vont coronner. C'est ça qui permet donc d'éliminer les virus qui sont dissimulés dans les cellules infectées. C'est ça qui permet de pouvoir détecter tout de suite. Et c'est ce qui avait expliqué ma réaction lorsque ils m'ont injecté finalement ce fameux vaccin antiviral grippaire. Mon corps a réagi. Pourquoi? Mais parce que moi, mon système en est ainsi. Donc, vous avez compris brièvement un peu comment ça se passe. Okay? Je ne veux pas trop rentrer... Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est le diminutif de thymus. Ça vient de thymus. Hein? Les lymphocytes T, c'est ça, des lymphocytes de type thymus. Okay? Maintenant, vous avez vu comment ça se passe. Je vous ai donné d'abord la définition du système immunitaire. Et ensuite, je vous ai montré comment le système marche. C'est-à-dire que comment ces anticorps-là peuvent justement nous permettre de nous protéger contre ces virus étrangers. Et en tant qu'initié et aussi homéopathe, moi je crois à l'homéopathie, hein, je ne crois pas trop à la science moderne, je ne suis pas contre, hein, je suis quand même du domaine du corps médical, bien que spécialisé dans la psychiatrie. Moi, ce que nous, personnellement, et je crois que beaucoup de scientifiques tombent d'accord, que maintenant, pour pouvoir permettre le renforcement de notre système immunitaire, alors il y a certaines choses qu'il faut faire. Je vais commencer d'abord dans le plan matériel, ensuite je vous amènerai dans le plan mystico-spirituel. Qu'est-ce que vous devez faire pour renforcer votre système immunitaire, surtout lorsque vous vivez dans un monde de la paranoïa, dans un monde de contagion psychologique, dans un monde de psychose générale, dans un monde de traumatisme psychologique qui, malheureusement, créé par les médias. Ah oui, oui, vous voyez combien de fois nos frères médecins là viennent nous effrayer. Ah oui, ceci, cela, moindre chose, c'est la grande panique. Et beaucoup de théories sortent, que je ne mets pas forcément en doute, hein, je me mets toujours sous réserve. Ils vont vous dire, oui, hein, c'est ce type de Bill Gates-là qui a dépensé 200 millions de dollars, qui, du coup, le voilà maintenant, il a préparé un coup qui va pouvoir éliminer tous les Noirs. Ben, moi, je suis obligé d'y croire, parce qu'alors on parle de l'Ebola, pardonnez-moi, on nous parle du virus Conora virus-là. À ma grande surprise, on a déjà envoyé plus de 8 millions à 10 millions de vaccins vers le Congo. On commence à les injecter des vaccins bizarrement, n'importe comment. Mais alors qu'on est en phase d'expérimentation de cette maladie qui est même complexe, hier, il y a notre directeur du département du ministère de la Santé publique ici dans notre État qui nous expliquait que ce virus corona a une incubation inexplicative. C'est un virus qui est compliqué. Parce qu'au départ, on disait que non, ce virus ne peut pas attaquer les pays chauds, où il fait chaud. Mais à notre grande surprise, ça va en Afrique, jusqu'aux pays subsahariens. Le Gabon en fait partie. Aujourd'hui, au niveau du Gabon, le virus y est. Comment expliquer cela? Au Tchad, nous avons détecté, ce n'est pas moi, hein, ça c'est le rapport que l'OMS donne. Au Tchad, où les températures sont trop élevées, on a découvert quand même, il y a de cela 3 semaines, un cas. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a maintenant 3 cas. Comment expliquer cela? Mais on dit que non, ce sont des frères et sœurs qui étaient en Europe. Quand ils sont rentrés en Europe, ils ont amené le vaccin. Bref, ce que notre directrice de la santé publique de notre département, pour ne pas dire de notre État de l'Ohio, voulait expliquer, c'est que c'est un virus multiforme à incubation compliquée. Je répète, un virus multiforme à incubation compliquée qui s'adapte à toute forme d'environnement et de climat. Comment expliquer cela? C'est la question. Donc, ne prenez pas ces choses-là, la balade. Mais il y a aussi une psychose. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis venu vous parler aujourd'hui. Il y a une psychose générale. Les voisins, mon Dieu, ça devient... Moi, j'ai vu même dans les médias, les gens paniquent n'importe comment. C'est vrai que c'est un virus. Tout comme tout autre virus. Mais est-ce que cela devait nous amener à cet effroi, nous amener à cette peur? Et aujourd'hui, malheureusement, une forme de psychose générale s'est installée dans la tête des gens. Ce n'est pas seulement chez l'homme africain. Moi, je pensais que l'homme africain serait celui qui est capable de résister à ce genre de propagande. Mais les médias ont contribué aussi. Et même nous-mêmes, certains activistes, ben Dieu, ils en ont fait l'objet de leur prêche pour effrayer les autres frères. Nous avons une part de responsabilité. Donc, moi, mon rôle en tant que sensibilisateur, éducateur et surtout initié, motivateur, je viens ici non seulement armé de connaissances scientifiques, mais vous avez l'avantage que je mets également un pied dans le monde spirituel. Donc, je vous ai ici, je ne suis peut-être pas trop rentré parce que ça risque de prendre des heures quand il s'agira de vous parler de votre système immunitaire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle le côté sympathique, l'antisympathique, il y a des histoires de lymphocytes B, les réactions au niveau thymus. Mais je ne vais pas vous amener dans ce langage complexe. C'est moi vous simplifier les choses que notre système immunitaire est constitué d'un ensemble de cellules, lesquelles cellules-là, on vous a expliqué comment ça se forme à partir des globules blancs. Et ces globules blancs de petite taille vont former ce qu'on appelle la fameuse lymphocyte B ou T qui vient de thymus. Et après là, c'est comme ça donc nos anticorps s'apprêtent à s'attaquer. Mais là, je vous amène maintenant à la phase B. Mais comment faire justement, faire en sorte que ces lymphocytes T, donc thymus, peuvent être en mesure, parce que chacun de nous a ça dans son organisme. Nous avons une multitude de milliers de cellules, pour votre information. Hein. Et moi, je pratique le Qing Kong, le Tai Chi Qing Kong, qui est une vieille méthode de plus de 10 000 ans en Chine, qu'ils ont volée de l'Égypte également. Qu'il s'agit de pouvoir comprendre. Les Chinois ont appelé ça la coupe, qu'on appelle ça, la coupe ponctuelle énergétique. Et cette composante énergétique veut dire quoi? Ils ont composé, ils ont découpé le corps en plusieurs segments et ils ont finalement découvert qu'il existe dans notre corps près de 36 000 centres énergétiques. 36 000 centres énergétiques. Et lesquels 36 000 centres énergétiques partent de ces doigts-là, partent du geste, partent de, même au niveau des lèvres ici, il paraît qu'il y a près de une affaire de peut-être 350. La lèvre supérieure doit avoir 200 et quelques. Ma moustache, il y a aussi un ensemble de machines qui permettent ma moustache d'être aussi grosse et tout ça là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette faculté. Il y a une raison, voyez-vous, certes, il y a une raison peut-être adénique. Mon cousin et oncle, le vieux Rahuri, ceux qui l'ont connu, il avait la même moustache. Mon grand-père avait la même moustache. Bref, c'est peut-être adénique. Mais en deçà ou au-delà de cela, il y a bien d'autres raisons. Donc, aujourd'hui donc, je vais maintenant rentrer dans la partie, après avoir vous défini qu'est-ce que c'est le système immunitaire et ensuite comment ça marche, nous allons donc découvrir quels sont les éléments qui contribuent justement au renforcement du système immunitaire. Avant d'en arriver là, je tiens déjà à vous dire que qu'est-ce qui contribue d'abord à l'affaiblissement de ce système immunitaire? L'affaiblissement du système immunitaire, au vu de ce que vous venez d'écouter sur la définition de comment ça marche, ça peut à la fois les anticorps sous couvert de lymphocytes T peuvent jouer leur rôle en jouant justement ce rôle de comment dirais-je de réponse immédiate et d'alerte pour le reste du corps, si et seulement si vous mettrez en pratique ces quelques éléments qui viennent de la mère nature et ensuite du monde cosmique, c'est-à-dire vous allez utiliser également certaines techniques mystico-spirituelles. C'est dommage qu'il se fasse tard, vous pouvez inviter vos amis qui dorment encore parce que cette partie est très importante. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut? Premièrement, il y a, tout le monde le sait, au niveau du système immunitaire, la vitamine la plus recherchée, je crois que tout le monde devait deviner ce que c'est. C'est la vitamine C. Voilà pourquoi vous verrez que on vous recommande toujours d'avoir le fruit le matin. Et les fruits principaux qu'on vous recommande, quand vous n'êtes pas en Afrique, on ne trouve pas la pomme. La pomme des terres, certes, elle a la vitamine C, mais elle a beaucoup plus ce qu'on appelle un taux élevé de fibres. Lesquelles fibres sont très importantes en vue de réguler ou encore diminuer le taux d'attaque des graisses dans votre corps. OK? La pomme. Ça, ce n'est que quelques vertus de la pomme, hein, parce que si je rentre dans la pomme, seulement la pomme des terres, pardon, là, pas la pomme de terre, la pomme qu'on appelle pomme de France, c'est-à-dire le fruit, ok? Pas le tubercule, parce que moi, je considère que la pomme de terre est une forme de tubercule également, ok? Bref, maintenant, la vitamine C. Vous savez là où on trouve la vitamine C? Vous avez, en Afrique, on trouve des citrons. En Afrique, on trouve les oranges. D'accord? Voilà pourquoi dans ma potion que j'ai proposée dans ma chaîne politique là-bas, Kobolo, je vous ai proposé une potion à trois éléments, voire quatre éléments. Je vous ai proposé quoi? Je vous ai proposé le citron. Je vous ai proposé le gingembre. OK? Et là, nous allons passer à la vitamine. Je disais, la vitamine C, c'est quoi? La vitamine C, on la trouve dans l'orange, on trouve dans le citron, on trouve dans la mandarine, et ainsi de suite, le pamplemousse et tout cela. OK? Ensuite, il y a du zinc. Et le zinc, on le trouve dans quoi? On le trouve dans le gingembre. On le trouve également en dehors du gingembre, on le trouve dans l'ail, on trouve le zinc dans l'ail. Mais quel est le rôle du zinc en réalité? Mais le rôle du zinc et de la vitamine C, je parlais d'abord du zinc, ce zinc a un rôle très important. Le zinc va justement agir même contre le développement de certaines tumeurs dans votre corps. Et s'il y a des médecins ici qui viennent encore me contredire, hein, parce que la dernière fois quand j'ai parlé de mon mélange là, vous mettez le gingembre, vous mettez l'ail et le citron. Oh non, non, non, monsieur, on ne peut pas dire des choses comme ça ne peut pas. Mais bien sûr, quand j'avais dit non, ça peut détruire et ça peut vous prévenir contre certains cancers. Mais quand on parle de cancer, mais avant le cancer, il y a quoi? On parle de tumeurs, n'est-ce pas? Et ces tumeurs développent certains cancers. C'est un type de cancer. Voyez-vous? Bon, donc le zinc qu'on trouve dans le gingembre, qu'on trouve dans l'ail. Savez-vous qu'en Égypte, l'ail, mon Dieu, l'ail et l'oignon rouge étaient une richesse indispensable. Les gens, c'était le seul pays au monde hein, qui, à l'époque, produisait ce genre d'éléments. Et d'ailleurs, le meilleur ail aujourd'hui et le meilleur oignon, une oignon ou un oignon, je sais plutôt, pardonnez-moi si mon français devient tordu, On les trouve de l'Égypte, hein, ça vient de l'Égypte. Et d'Israël, parce que vous savez, Israël et l'Égypte, ils ont une grande histoire commune, ils ont une grande complicité, hein, depuis la nuit des temps. Donc, disais-je, la vitamine C, vous connaissez tout. Vous allez faire un exercice ce soir, vous allez donc faire les recherches sur Google ou bien faire des recherches personnelles. Quels sont les fruits qui détiennent, qui renferment la vitamine C? Donc, désormais, mettez dans votre panier tous les matins, 4 heures avant de dormir, ne prenez pas des aliments ou des fruits qui vous donneront la vitamine C 1 heure avant de dormir, hein, sinon vous aurez l'insomnie, ce qui est normal, parce que ça met vos anticorps en éveil. C'est aussi simple. D'accord? Ça dépend des organismes. Donc, la vitamine C, le zinc vont faire l'affaire pour pouvoir vous aider à renforcer votre système immunitaire. Donc, nous avons dans la famille de tous ces fruits, de tout ce que je viens de citer, je parlais donc du citron, je parle de l'orange, de pamplemousse, mandarine, gingembre, ail, le thé vert. Je vais peut-être trop vite, pardonnez-moi, je reprends. Pour renforcer votre système immunitaire de manière matérielle. Dès demain matin, avec votre masque et vous respectez les règles de 3 à 4 mètres de distance, quand vous irez chez votre épicier ou chez le boutiquier, là-bas, mais rassurez-vous que vous mettrez dans votre panier les oranges, le citron, l'ail, le gingembre, le thé vert, et ayez l'habitude également de garder dans votre maison du chocolat noir. Chocolat noir qui est à 100 pour, à partir de 75% jusqu'à 100% du chocolat pur, c'est-à-dire que celui qui est amer. Mais ne prenez pas des formes de chocolat noir qui sont mélangées au lait et au sucre en dessous de 60% du contenant du chocolat noir. En réalité, le vrai chocolat noir, on le trouve en Afrique. Il y en a au Gabon. Le Gabon est devenu l'un des pays producteurs de chocolat, mais à base d'eau, j'en sais quelque chose, dans la zone du Wellington, ils en ont du chocolat. Je parle du chocolat, pas le chocolat qu'on prépare les bouillons, mais je parle du chocolat qu'on fabrique, comment dirais-je, vous savez de quoi je parle. Donc, consommez régulièrement du chocolat noir, parce que dans le chocolat noir, vous avez tout à l'intérieur. D'accord? Ça vient du fruit chocolatier. Et ce chocolatier, donc, vous produit la vitamine C, il vous produit du zinc. Et n'oubliez pas, dans votre liste, en dehors du chocolat noir, ayez l'habitude également d'avoir du champignon. C'est très important. Le champignon, vous devez avoir du champignon dans vos aliments. D'accord? Après le champignon, il vous faut également quelque chose de très, très, très important. Ayez toujours du piment dans vos aliments. D'accord? Mais pas n'importe quel piment. Pas les petits faibles piments de Balan. Non, le piment de chaume. Mais j'ai découvert qu'ici, par exemple, aux États-Unis, nous avons des petits piments. Le petit piment, souvenez-vous, celui qui est beaucoup plus piquant que le gros piment. C'est ça qu'il vous faut. Consommez ça régulièrement. Si vous n'avez pas l'habitude, ça va vous créer la diarrhée. Mais dans vos aliments, à partir d'aujourd'hui, pour vous aider à renforcer votre système immunitaire, faire face à l'attaque des micro-organismes, des organismes étrangers, sous couvert de ce que nous consommons, sous couvert de l'air que nous respirons, également des molécules étrangères. Et ces molécules étrangères, c'est les polluants, et c'est l'air que nous respirons. Et voilà comment donc, je reviens à renforcer les propos de notre directeur du ministère public ici dans l'État de l'Ohio, qui a dit, hein, docteur Susan, qui a bien dit que ce virus du corona, par exemple, parmi tant d'autres virus, mais la particularité avec ce virus, il n'est pas comme le virus du sida. Le virus du sida ne se transmet pas dans l'air. Mais ce virus, il est beaucoup à type grippaire, mais en même temps, pardonnez-moi, son incubation est multiforme et s'adapte à tout. Est-ce que c'est une malédiction? On ne sait pas. Hein? Mais juste pour vous dire que pour faire face à cela, vous avez donc besoin de ce que je venais de vous citer. Donc, ceux qui sont venus en retard, veuillez prendre soin de suivre cette partie de la vidéo. Je ne vais pas trop vous garder longtemps. Donc, là, nous avons parlé un peu sur le piment, disais-je. Donc, ceux qui sont aux États-Unis, comme moi, et au Canada, veuillez, s'il vous plaît, chercher le piment qu'on appelle le piment cayenne, the cayenne pepper. The cayenne pepper is the one kind of pepper you need to always use while you're having your dinner. Okay? You can also have the small pepper. And that small pepper is originally from Mexico or Guatemala. You can talk to some Mexican folks. They will help you to get that type of spicy, you know, element I'm talking about. We're talking about a pepper. So you got the red pepper. Don't confuse. Yes, of course, the green bell pepper, yellow bell pepper, red bell pepper would also play a good role in bringing you some zinc. That's the main role of all having all these, you know, different fruits. Take it as a habit. Garlic, the ginger, not any kind of ginger. You need to get all which are organic. Very important. Organic, why? Because you have the natural ingredients coming out of this. The same thing goes for the limes and lemons. All these limes and lemons, you make sure you got the organic ones. Why? Because the other type of lemons and limes, they all grown up, means they are farm raised. You can't buy anything which is raised by human hands and using some, what they call the GMOs. No, you can't use anything which is produced by the GMOs. Okay? Tout ce qui est utilisé avec des produits chimiques en vue d'accélérer, comment dirais-je, votre plante de vitre poussée et que vous la consommez, vous aurez seulement la chance d'avoir 40% des nutriments naturels. Par contre, tout ce qui est bio, c'est à 100% naturel. Donc, c'est dommage, vous devez frapper un peu votre poche pour avoir accès à tous ces éléments. This is very important. So, our immune system gets constantly, regularly, I would say on a very basic, on a daily basis, we are bombarded by a lot of microorganisms. Micro molecules, all these molecules coming from whatever we eat, whatever the breathing, you know, the breathe, whatever we breathe maybe on a daily basis, whatever we're touching in a different stores. With this coronavirus, I'm just referring to our local doctor here in the state of Ohio. The lady is in charge of alarming and talking by the governor of a beautiful state, Buckeye State. She was saying that the incubation of this virus is so complex. Because Africa, where people did not expect in a very hot and the climate so hot and very unexpectable, couldn't expect to have this virus, you know, affecting people in those areas. You know what I'm saying? So like Chad is one of the hottest places you can be. Arizona State in America, where they don't have no cold, they don't have no winter time over there. You know, they don't have no other seasons, I mean, a climate such as they don't have no winter, they don't have no falls, whatever it is. You know, I'm talking about Arizona. You also have another state, New Mexico. All these states, some people got some positive cases, even death. So how can you explain that? Means this virus is really indeed a real deal. So we need to take some precautions, just what I'm trying to talk about today, okay? So, maintenant nous abandonnons. Pour ne pas dire pas abandonner, nous continuons dans la logique maintenant mystico-spirituelle. Là, je vous ai donné une liste. La liste serait longue, chers frères et sœurs. Et là n'est pas mon objectif, parce qu'on est déjà à 43 minutes. Donc, je ne veux pas tout vous garder longtemps, il se fait tard. Il est vrai que vous êtes en position de confinement total chez vous. Je vais tout de suite donc enchaîner sur l'aspect maintenant mystico-spirituel. Là, je vous ai donné un peu l'aperçu sur ce qu'il vous faut pour renforcer votre système immunitaire. Qu'est-ce qui contribue à l'affaiblissement de votre système immunitaire? Il faut que je revienne là-dessus parce que je ne suis pas en train de prendre des détails. Il y a... ouais, je crois que ça va faire partie des consignes sur ce que j'appelle les huit commandements. Parce que le nombre huit, c'est le nombre de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc, c'est sur les huit commandements. Je crois que ça va être le commandement... numéro 5. Je reviendrai dessus. Mais quand même, je reviens sur les raisons pour lesquelles notre système immunitaire faiblit. C'est justement de faire le contraire de ce qu'on venait d'apprendre à travers les lymphocytes. Les lymphocytes T. Ces lymphocytes T ont pour rôle justement de renforcer par le sous-couvert des, des globules blancs et ainsi de suite. Et après, ça va créer un travail d'alerte générale. Mais pour que ceci soit possible, il faut certaines substances ou certains aliments pour pouvoir soutenir. Mais qu'est-ce qui peut faire le composé de cela afin que notre système immunitaire ne soit plus à mesure de de donner des alarmes de protection. Ben, le stress, s'il vous plaît. Évitez cela d'être sous le choc, surtout présentement. Moindre chose, ça vous met dans une ambiance de la peur. Cette peur inutile, souvenez-vous, je donne l'enseignement dessus. Les traumatismes psychologiques, ceux qui sont sujets à cela. Les vieux qui sont morts, tels que Manu Dibangu, il paraît qu'il avait déjà un problème au niveau de ses poumons. Donc, ça n'a fait que contribuer rapidement à sa mort. Mais c'était quelqu'un qui était de bonne santé. Mais on dit qu'à partir d'au-delà de 80 ans, votre système immunitaire ne fonctionne plus trop bien. D'où, il faut prêter attention à l'air que vous respirez, hein, à la nourriture que vous consommez. Moi, je ne savais pas, hein, mon papa Dibango, qu'il était en France. Mais mon Dieu, dès l'âge de 65 ans, il devait rentrer tranquillement au Cameroun, hein, aller vivre au milieu des arbres. Voyez-vous, ceci ne devait pas lui arriver. Mais il vivait dans un pays d'Avalan. Mais le pays d'Avalan, il n'y a pas d'arbres. Donc, du coup, il fait partie de cette marge d'âge. À partir de la cinquantaine, soixantaine, monté jusqu'à 90 ans, les systèmes... Là, je parle des humains normaux. Hein. Bien. Parce que moi, j'ai plus de 50 ans. Je serai donc victime de cette frappe terrible. Mais je respire, je suis aux côtés des gens, même qui ont ça, je n'ai aucun problème. Donc, ça vous dit simplement que votre comportement a un rapport avec le système, votre affaiblissement de votre système immunitaire. Qu'est-ce que j'appelle par le comportement? Les aliments que vous consommez. Savez-vous que plus vous consommez trop de sucre, plus vous consommez trop d'alcool, et plus vous fumez régulièrement, je parle du tabac à cause de la présence de la nicotine. Ah ben là, attention, il y a une petite contradiction apparente, parce que la nicotine est aussi indispensable pour vous permettre de communiquer avec les esprits de l'au-delà, que ce soit les démons ou les anges. Ça, c'est recommandé dans certaines pratiques, et ça, j'en sais quelque chose. Mais par contre, l'abus, c'est le mot qu'il faut. L'abus de tabac, l'abus d'alcool, l'abus de sucre, tout ceci, non seulement le sucre va détruire au niveau de vos cellules blanches, comment dire, les globules blancs, les globules rouges qui contribuent à l'équilibre de votre système immunitaire, il y aura un problème, et les médecins sont mieux placés pour vous l'expliquer, que lorsque le taux de sucre est trop élevé dans votre organisme, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un phénomène qui va se passer, c'est que l'obésité va également va contribuer à quelque chose. Ça veut dire, pourquoi il y a l'obésité? Parce que votre système circulatoire, le flot sanguin, ne peut plus avoir une vitesse de trafic dans votre corps. Pardonnez-moi le mot trafic, en d'autres termes, la vitesse de circulation de votre sang va baisser. Conclusion, votre densité sanguine augmente. La pression artérielle va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a altération et lenteur de la circulation de votre sang. Plus votre sang circule rapidement, à cause des activités physiques, à cause des aliments que vous consommez, vitamine C, le zinc, le fer et tout ceci, et également avec la combinaison des 8 commandements que je vais vous donner, vous verrez que vous ne souffrirez jamais de la pression artérielle, vous ne souffrirez jamais des tensions artérielles, vous ne souffrirez jamais des problèmes cardiaques, parce que toutes ces maladies-là, il a été prouvé scientifiquement que l'un des grands tueurs au monde, il y en a deux. Il y a la déprime ou le stress. C'est le mot qui est accepté, c'est le stress. C'est un mot beaucoup plus américain ou anglais. If you stressed out, a lot of stress. Stress vient de quoi? Le stress vient de la pression. Une pression extérieure ou intérieure. Mais la pression vient de quoi? Le fait que vous êtes exposé chaque fois à des disputes inutiles. Vous êtes quelqu'un qui vient vous parler, il insiste. Ou bien vous êtes bombardé par les événements de l'environnement direct ou indirect. Un système politique qui vous oppresse par des mauvaises nouvelles. Il vous oppresse par le chômage. Il vous oppresse par des femmes qui accouchent à même le sol. Il vous oppresse par des manquements, des besoins naturels, des besoins de base. Il vous oppresse même dans votre propre salaire. On va vous enlever votre salaire. On va vous priver du salaire. Il vous oppresse par le taux de chômage qui monte. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le stress. Le stress est un ensemble de données qui peuvent être mesurés ou non mesurés. Mais moi, je vous dis, en tant que, j'utilise mon côté, parce que je suis diplômé en psychologie, je vous dis que en psychologie, on peut mesurer ces données-là. On les mesure et ça affecte le comportement de l'homme. Voyez-vous? Donc, c'est l'ambiance extérieure, d'abord. OK? Cette ambiance extérieure. Mais c'est tout ce que vous voyez. C'est tout ce que vous voyez au quotidien. Tout ce que vous entendez. Tout ce que vous regardez là sur la télévision. Voilà pourquoi je vous ai toujours recommandé que, en tant que quand vous allez rentrer à l'école initiatique, il vous est recommandé de ne pas trop passer votre temps devant la télévision. Il faut plutôt choisir des films et des comédies. des films qui détendent votre atmosphère. Parce que déjà, même dans votre milieu, dans votre lieu de travail, il y a le Congo, ça. Les gens parlent trop et des choses inutiles. On vous accuse des conneries. Qu'est-ce que moi, on ne m'a pas dit à mon lieu de travail? Le fait que je sois un homme très gentil, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Oh non, il doit coucher avec telle fille. Oh, il doit coucher avec le médecin, là. Il doit coucher avec ceci, cela. Mais si vous vous faites affecter par les ondits et tout cela, voilà pourquoi je vous ai dit que vous devez donc, l'extérieur vous influence. Maintenant, j'ai parlé de l'environnement direct et de l'environnement direct et indirect. Le direct, c'est ce que vous vivez au quotidien. C'est ce que vous voyez. Maintenant, indirect. Mais c'est ce que X ou Y ne voit pas. Vous gardez en vous, vous accumulez à vous tous ces mots-là. Vous accumulez en vous la situation, par exemple, de certains pays africains, le Congo ou le Gabon, je ne sais pas quel pays, qui ne sont pas des exemples vraiment de stabilité sociale. Les gens sont stressés à cause des problèmes politiques. Les gens sont stressés parce qu'il y a d'autres mecs qui veulent se maintenir au pouvoir malgré leurs résultats ô combien infernal. C'est-à-dire, les populations ne sont pas satisfaites mal par rapport à leurs attentes. Pardonnez-moi, on ne parle pas politique ici, mais ce sont des réalités. Là, je parle en tant que psychologue, s'il vous plaît. C'est pas... J'ai eu ce diplôme, vous n'allez pas m'en vouloir. Moi, mon professeur de psychologie me l'a appris. C'est comme ça, c'est la vérité. Donc, on est bombardé au quotidien. Et la liste serait trop longue, s'il vous plaît. Bientôt, on arrive à une heure. Donc, bref. Maintenant, de l'intérieur, c'est quoi? C'est le fait que vous accumuliez, le fait que vous gardiez cela. Des colères internes. Parce que vous avez un problème avec votre époux, vous avez un problème avec votre mari, vous avez un problème avec votre femme, vous avez un problème avec vos enfants. Au lieu de communiquer de manière posée et tranquille, vous gardez cela. Et chez nous, en psychologie, on appelle ça une accumulation énergétique nocive. Je répète, accumulation énergétique nocive. Et cette accumulation énergétique nocive va créer une circulation du sang non saccadée anormale. Parce que vous créez une pression interne. Vous voyez? Donc, cette pression interne, si vous continuez à être bombardé par ces pensées négatives que vous ne voulez pas faire sortir, vous gardez, vous êtes là devant, vous regardez les choses, vous ne dites rien, vous êtes rancunier ou rancunière, mais à la longue, vous aurez des comportements bizarres, n'est-ce pas? Bon, bref, là n'est pas l'objectif de l'enseignement aujourd'hui. Je vous ai un tout petit peu fait un panorama ou encore vous amener un peu sur les causes de ce qui vous amène dans cet état. Maintenant, je vais maintenant vous donner mes propositions en tant qu'initié. Pour ceux qui peuvent prendre note, vous pouvez prendre note. Mais rassurez-vous, la vidéo va être là, sauf si quelqu'un vient m'enlever. Hein. Et j'espère que je n'ai offensé personne jusqu'ici. Mais pendant que nous nous préparons donc à vous donner ce côté spirituel et mystico, qui est le plus important, parce que c'est pour cela que nous avons Tata Nzambé ici. Tata Nzambé, cette chaîne du savoir et de la connaissance, justement, elle est là pour... vous permettre de vous mettre en alerte, vous armer des connaissances, et lesquelles connaissances peuvent vous permettre de mieux fonctionner au quotidien. Donc, l'affaire de l'ail, et je ne sais pas moi, du chocolat noir, c'est bien beau. Je vous le répète, chocolat noir. Même pour les hommes dont petit papa a des problèmes, là, manger du chocolat noir de temps en temps. Les hommes, je répète, qui ont un certain âge ou qui ont des déficiences érectiles, vous consommez du chocolat noir avec un verre de vin rouge, vous consommez ça une heure avant l'acte, vous me direz. Vous n'allez pas en vouloir quelqu'un qui a, comment on appelle ça, quelqu'un qui a son Viagra. Pas du tout. Vous n'aurez pas à en vouloir ce mec. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous sur ça. Mais, entre-temps, je vous donne une petite pause, vous permettre de, comment dirais-je, de vous préparer maintenant aux huit commandements mystico-spirituels, comment vous devez vous comporter à partir d'aujourd'hui. Hein, c'est très important, ça. Ça vous aidera à garder votre système immunitaire vraiment solide. Vous comprenez? Donc, ça, c'est très important. D'accord. Nous allons nous détendre un peu. I'm gonna go get it. Merci. Merci. Bien. Bien. Maintenant, nous allons ici, puisque c'est ça, sur Tata Nzambe, on analyse le problème de manière d'abord scientifique. Et je suis l'un des rares, je ne vais pas me jeter de fleurs, vous pouvez vous-même témoigner, que la plupart des mystiques ou des gangas, quand ils viennent là, ils vont tout de suite vous amener dans les plantes, ils vont tout de suite vous dire non, ça, c'est le démon, ça, c'est ceci. Non. Il ne faut pas être, pardonnez-moi le mot, superstitieux à ce point-là. Il faut avoir d'abord l'esprit rationnel. Okay? On amène d'abord l'être humain, surtout quand on a affaire à des gens comme vous. Là. J'ai parmi vous des médecins qui me suivent, des ingénieurs en informatique, des ingénieurs de communication, ceci, cela. Donc, vraiment, les amener trop dans ces histoires de mysticisme-là, ce n'est pas trop facile. Il faut d'abord, on appelle ça, allier la science. Parce que n'oubliez pas que la science a commencé en Afrique. Les premiers médecins, les premiers scientifiques, je ne vais pas vous rappeler cela, vous le savez, c'est né en Afrique. Nous n'avions pas des facultés, des hautes écoles, des facultés de ceci ou de cela. Nous n'avions pas des bacs scientifiques de ceci, cela. Le pygmée que vous allez voir là-bas à Mimongo, ou encore dans la zone de Douala, ou bien dans la zone de, comment on appelle ce village-là, au Cameroun, Mbolamiyo. En Bolamayo, je ne sais pas, j'oublie, je me rappelle même plus du nom, parce que j'étais au Cameroun. Là-bas, vous trouverez plein de pygmées qui vous font la mathématique, mais ils n'ont jamais mis le pied à l'école. Donc, c'est pour vous dire que les techniques que moi je vais vous proposer sont des techniques qui, malheureusement, c'est l'ensemble des techniques que moi-même j'ai créées pour vous. Vous ne les trouverez pas dans un livre. Comme je vous l'ai toujours dit, avec ma petite expérience de 45 ans dans la pratique mystique, la recherche et tout cela, et près de 20 initiations que j'ai reçues à gauche, à droite, j'ai toujours fait le syncrétisme. Donc, j'ai sélectionné ce qui est bon pour vous. Et ce que je trouve que ça ne va pas être vraiment bon pour vous, là, je n'oserais pas le faire. Rassurez-vous. Souvenez-vous, je vous ai toujours parlé du rite, comment convoquer le diable pour vous rendre milliardaire, non? Mais je me suis abstenu, j'ai dit non. Je ne peux pas donner ça à ces mecs-là. Ils vont aller se casser la gueule, ils vont se faire du mal, et c'est mon karma qui prendra un coup. Donc, je vais vous amener aujourd'hui, pas dans les techniques du diable ou des démons, non pas également dans des rites de notre vieux, ma coco. La suite, ce sera la semaine prochaine, rassurez-vous. Je reviendrai sur ça. Nous allons continuer avec la suite des rites. Mais cet enseignement-ci est très important, c'est par rapport au contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ce virus du corona. Donc, c'est très important que nous apprenions à renforcer notre système immunitaire. Okay? Donc, la première technique, celle qui va paraître difficile, mais s'il vous plaît, faites des efforts. Ça a un rapport justement avec les instructions que l'OMS a commencé à donner à toutes les nations de la Terre. Donc, première technique, ça s'appelle la technique d'isolement. C'est la technique d'isolement psychique, physique, qu'il faut faire 3 à 4 fois par jour. Je répète, la technique s'appelle la technique d'isolement. Je n'ai pas dit isolation. J'ai quand même étudié le français, hein. Je parle de la technique d'isolement, pas isolation. D'accord? Isolement, c'est l'action de s'isoler. Un isolement, c'est l'action de s'isoler. Mais l'isolation, c'est la manière de faire cet isolement. Bien, nous allons donc parler de l'isolement. L'isolement psychique et physique, 3 à 4 fois par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? L'isolement psychique, c'est pardonnez-moi, j'ai une petite perturbation. Ah là là, il y a mon petit-fils là qui me perturbe avec les histoires de télévision. Ah là là, je ne sais pas si vous percevez le son là-bas, mais moi, ça me perturbe vraiment. Ce n'est pas bon. Je ne veux pas que ce soit pris dans le. Ce soit enregistré ici, là. Donc, veuillez, s'il vous plaît, m'accorder 1 minute d'absence. Okay. Pardonnez-moi. Nous allons donc développer cet aspect, je disais. La technique s'appelle l'isolement psychique et physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Psychique, c'est de la tête. Est-ce que je vous interdis de penser? Non. Un isolement psychique veut dire tout simplement, vous allez beaucoup plus passer 3 à 4 fois par jour. C'est-à-dire que le matin, ça n'a rien à voir avec la méditation. Ça n'a rien à voir avec la concentration, s'il vous plaît. Le matin, quand vous allez vous réveiller chez vous, avant d'aller au travail, avant d'aller vous doucher, vous allez vous asseoir, vous fermez vos yeux. Vous pensez uniquement à vous, rien qu'à vous. Et vous rentrez à l'intérieur de votre corps, en esprit. Voilà l'isolement psychique. Vous rentrez dans votre corps en esprit. Et quand vous rentrez dans votre corps en esprit, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la même technique que je vous ai toujours apprise. Je suis la lumière de ma tête dans toutes les cellules et les organes de mon corps. Vous voyez mon ventre? Observez bien. Voilà mon ventre, il est normal. Après, je suis la lumière de ma tête dans toutes les cellules. Pardonnez-moi, j'ai oublié d'enlever la musique. Je suis la lumière de ma tête dans toutes les cellules et les organes de mon corps. Vous visualisez donc la lumière de ma qui est rentrée dans toutes les cellules de votre corps et vous conservez tout dans le ventre. Ce ventre qui a la forme d'une grossesse. Vous voyez? Et après, vous chassez maintenant toutes les maladies qui sont dans votre corps. Parce que la vie de l'homme est ici, dans les arts martiaux. Tiens! Tiens! C'est comme ça, quand vous frappez quelqu'un un coup de poing, tiens! Ça part du ventre. C'est ce qu'on appelle le chi. Donc, vous avez fait cette respiration, c'est ça, je vous amène dans l'isolation psychique. L'isolement, autant pour moi, l'isolement psychique, c'est quoi? Vous avez fait votre respiration et vous vous amenez dans le ventre et vous parlez que tout mon corps, toutes les cellules de mon corps sont imbibées de la lumière divine. Voilà, isolement psychique. Vous ne pensez qu'à ça, vous pensez à votre corps, donc vous pensez à tous vos organes. Que tous les organes de votre corps sont animés par la lumière divine. Et cette lumière divine, ceux qui ont le livre bleu savent comment, à quoi elle ressemble. C'est une lumière blanche électrique. Donc, c'est cette lumière blanche électrique que vous devez visualiser lorsque vous faites, je reprends encore, je suis la lumière de mort. Je suis la lumière de mort, que celui des organes de mon corps. Donc, la lumière blanche électrique, elle est rentrée dans votre corps et vous visualisez mentalement que cette lumière blanche qui est rentrée dans votre corps a nettoyé et a touché tous les organes, toutes les cellules. Il faut qu'on reste dans le cadre de l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, c'est le système immunitaire que vous essayez de renforcer par votre technique respiration, respiratoire. Ce qui nous amènera, je crois, il y a une technique que je propose, la technique de respiration, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la technique numéro 3. La technique numéro 3, on nous parle de la respiration. C'est une technique de respiration qui consiste à travers une méthode de respiration cyclique, donc respiration en 30 cycles, respiration 30 fois cycle, repos, pause, de 1 à 3 minutes, et vous reprenez. Il y a mon fils, Clinchy, qui, je peux dire, l'un de mes fidèles, disciples peut-être, je pourrais utiliser le mot, ok, qui au cours du séminaire, j'avais démontré cette technique, mais il a bien suivi, mais malheureusement, c'était lui le caméraman, donc il n'a pas eu le temps de shooter ça, quoi, pour que les gens puissent voir ça sur le barbare. Alors, la technique qu'il vous a montré là, je l'ai lui a montré, donc c'est... Faites ça au moins 30 fois. Après, vous bloquez. Vous ne respirez plus. Pendant une minute. Soit le ventre vide, soit le ventre plein. OK? Mais là, on n'en est pas là. Donc, l'isolement psychique, c'est celle-là. Après, l'isolement physique veut dire quoi? Eh bien, vous êtes avec les gens, mais vous n'êtes pas là. Mais lorsque vous avez un niveau avancé comme votre humble serviteur, vous êtes là au milieu des gens. Ça fait le bruit. Par exemple, nous, on a ce qu'on appelle le cafeteria pause ou break time. Quand vous êtes dans votre break time, les autres sont là à la télé, raconter n'importe quoi. Vous êtes là tranquille. Vous faites votre isolement physique comment? Vous êtes là tranquille. Vous ne participez pas à ce qu'ils disent. Vous ne parlez pas du tout. Voilà ce qu'on appelle l'isolement physique. Ça, c'est le premier sens de l'isolement physique. Et le deuxième sens de l'isolement physique, c'est quoi? Quand vous êtes en pause pour café, ceux qui sont avec moi ici aux États-Unis ou en Europe, ils savent de quoi je parle, ben, vous pouvez, pendant votre pause de café, vous allez dans votre véhicule et vous vous asseyez votre colonne vertébrale, le corps bien droit. Et, comme je suis là, le corps bien droit, tranquille, et vous gardez votre calme. Vous créez seulement un temps de calme absolu, de silence total. Vous arrêtez vos téléphones, tout. Vous arrêtez tout. Ça, c'est ce qu'on appelle la technique de l'isolement physique. D'accord? Vous enchaînez ces deux techniques-là. La respiration, ainsi de suite. Ça vous aide à renforcer votre système immunitaire. Tentez-y et venez me faire le témoignage sous le bras. Deuxième technique, j'ai appelé ça comment même. La méditation. La méditation de 10 à 30 minutes toutes les 4 heures aux heures indiquées. Minuit, 4h30 à 6h, de 12h à 15h, de 18h30 à 20h. Vous avez tout suivi là, je peux revenir dessus. Donc, tout le monde devait connaître ces heures standards de techniques de méditation. Voyez-vous? Ça, c'est très important. Mais ça doit être des méditations qui varient entre 10 à 30 minutes. 10 minutes, vous pouvez le faire, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Vous n'allez pas me dire, oh, mais moi, je suis tout nouveau, je ne peux pas, je médite comme en haut. La méditation est un état de neutralité absolue, où vous ne pensez à rien, mais vous restez dans cet état de neutralité. Maintenant, ceux qui ont peur de dire des églises, oh, si tu vas rester les yeux ouverts, oh, un démon va venir te visiter. Bon, si vous avez peur de ça, vous priez à l'avance, vous invoquez vos ancêtres, ou bien, si vous êtes quelqu'un qui prie à l'église, vous priez, vous appliquez le psaume numéro 91, vous appliquez le psaume numéro 27, vous appliquez le psaume numéro 40, vous faites une série de techniques, et ensuite, vous faites le Notre Père pendant 4 fois, et après que vous eussiez fait ces 4 fois-là, maintenant, vous allez faire vos techniques de méditation. La méditation veut dire, vous vous relaxez complètement, il n'y a aucun effort physique quelconque, détente totale. Pour commencer, vous pouvez, par exemple, je vous donne un exemple, vous pouvez choisir, vous partez sur machin, vous partez sur, quoi on appelle ça comment, YouTube ou bien Google, vous cherchez. OK, let me find something. D'accord. Bon, moi, j'ai trouvé une là. Moi, je ne sais pas si elle est bonne. Je vais vous trouver une musique là. OK, bon, j'ai choisi une. On y va. Maintenant. Dude, over $33,000 in a single day. No, hell no, we don't need you here, man. Shut up. Bien. Aucun effort physique. Vous vous laissez aller. Bon, pardon, je ne vais pas continuer à ça. C'est un exemple que j'ai pris. Hein. Il y en a beaucoup comme ça. Vous pouvez les voir partout. Parce que je ne veux pas qu'ils viennent me couper mon argent là. Comme ils vont dire, oh, moi, j'ai mis leur musique sans leur autorisation. Bref. Donc, c'est ça. Vous faites votre méditation. Quand vous êtes encore tout nouveau, vous l'accompagnez avec ce genre de musique. Ça s'appelle the meditation music. Ou encore musique de méditation. Vous allez trouver une variété. Souvent, moi, je vous recommande la musique de méditation tibétaine. Ce sont les meilleures. OK? Vous faites ça 10 à 30 minutes à raison de 4 fois par jour. Même si vous êtes dans une unité de production, on fait travailler comme des fous ici aux États-Unis. Même si vous lavez les fesses d'un fou, d'un papa, vous aurez toujours le temps de votre pause pour faire cette technique-là. D'accord? Ça, c'est très important. Maintenant, la technique de respiration. La technique de respiration que moi, j'appelle technique de respiration consciente. D'accord? Cette technique de respiration consciente de 30 cycles avec arrêt de 1 à 3 minutes. Bien, ça c'est ce que j'ai proposé au cours du séminaire et le petit, mon fils Clinchy, vous a démontré. OK? Mais je vous disais qu'il y avait un élément qui manquait. Au cours donc du séminaire, j'aurai l'opportunité de vous ajouter cet élément qui manque. Mais ça ne veut pas dire que cet exercice n'est pas bon. L'exercice est bon en tant que tel. Mais il y a une maman qui est notre délégué du Baobab en France, qui a ajouté que lorsqu'elle a tenté de le faire, et je m'en souviens, elle était candidate, hein, j'ai expérimenté, celle qui a accepté de faire l'expérience, oh là là, mais elle a senti qu'elle voulait sortir du corps. Donc, c'est cette phase-là justement qu'il faut éviter. Donc, là, quand je dis que ce n'était pas complet, parce que vous allez arriver à cette phase, après avoir fait ces respirations saccadées, 30 en cycle, 30 cycles de 1, 30 cycles de 2, 30 cycles de 3, ainsi de suite, oh là là, mais votre système, votre corps va commencer à vibrer, à trembler. Et vous allez vous remplir des énergies merveilleuses. Même si vous n'avez pas dormi pendant 2-3 jours, vous êtes régénéré. Donc, c'est la réponse à la maman qui nous a posé la question. Yo, ben, il faut nous dire, oh, la technique là, moi je travaille trop, ainsi de suite. Okay? Je vous donne le nom de quelqu'un que vous pouvez trouver. Comment il s'appelle? Alors, je ne trouve pas mon ami là, et pourtant j'ai assisté à plusieurs de ses séminaires. Hein. Donc, comme je n'ai pas sauvegardé. Ok. Non. Accordez-moi une minute. Il va venir. D'accord. Voilà. Il est d'origine polonaise. Ok. Vous allez le trouver, vous allez chercher Wim Hof. Je vais épeler le nom pour vous. W-I-M-H-O-F. Je répète, W-I-M-H-O-F. Faites des recherches. Ce monsieur, c'est le seul, il n'a même pas un bac, hein, je vous en prie. Il a défié les lois de la science. Il peut rester dans l'eau pendant des heures. Votre serviteur peut rester pendant 10 minutes, hein, je vous dis déjà, parce que je suis son enseignement, j'assiste à ses séminaires. Il est capable de marcher nu dans un plateau de glacier d'une température de 10 négative, donc en dessous de zéro. Oui, tout nu. La technique, c'est quoi? C'est la respiration. Donc, si vous voulez avoir des enseignements supplémentaires, pour ne pas dire beaucoup plus approfondis, sur la technique de la respiration qui est capable de catapulter ou encore de modifier votre corps, de renforcer votre système immunitaire, je vous encourage à suivre le monsieur-là. Il s'appelle Wim Hof. Wim Hof, c'est son nom. Il est polonais. Tous les scientifiques du monde, américains, japonais, tous, ils vont chez lui. Ils ne comprennent pas. Il est capable d'être enterré dans un cercueil pendant des heures et des heures. Enterré, vivant. Et il ressort tranquillement. Il va dans les eaux pendant une heure. Donc, ce n'est pas une affaire que je fabrique. Je vous ai donné le nom. Il s'appelle Wim Hof. W-I-M. OK? Ça, c'est votre cadeau que je vous donne. Maintenant. Non. Wim Hof. Pas Wim Wom. Wim Hof. Donc, W-I-M-O-F. C'est tout. Ne compliquez pas la vie. Voilà, c'est son nom-là. Vous allez le trouver. OK? Maintenant, il y a la quatrième technique, il faut se nourrir de l'air, mais ça, c'est facultatif. Voilà, Wim Hof, voilà, c'est bon, voilà, c'est ça. Moriela, Steffi, c'est très bien, c'est ça le nom. Vous avez vu, monsieur, le nom est là. Voilà, oh, merci, oh, vous avez tout compris, oh, c'est lui, il est polonais. Ce blanc-là, oh, on l'appelle le sorcier blanc. Il n'a même pas de bac. Mais je vous dis que même les docteurs du monde, les ingénieurs, aujourd'hui, ils exploitent sa technique, ils ne comprennent pas. Il est capable, par la technique de respiration, vous soigner, vous guérir de n'importe quel virus, de n'importe quelle maladie. Il s'est exposé même dans des virus. Il s'est exposé dans les milieux où les gens ont des maladies incurables. Et il est sorti de là d'être sain et sauf. Voilà, à travers la technique de la respiration, vous êtes capable d'opérer des miracles. Okay? Merci beaucoup. Tout le monde a compris. Jidas Kumbo, merci Odibar. Bien. La prochaine technique, c'est la technique comment se nourrir de l'air. Je ne vous ai pas encore montré le comment. Mais je ne peux pas le faire en plein live parce que les techniques varient d'une personne à une autre. Moi, j'ai eu un formateur, quelqu'un qui m'a bien initié dans ça. Parce que si vous ne le faites pas correctement, vous allez vous faire du mal au niveau de vos reins, au niveau de vos poumons. Et par conséquent, vous allez abîmer la circulation énergétique dans votre système et ça va vous créer des saignements internes. Donc, attention, attention. C'est pour cela que je dis que c'est facultatif. Mais maintenant, ceux qui sont à un niveau d'initiation avancé comme moi, alors, utilisez-moi cette technique. Comment se nourrir de l'air? Ça s'appelle l'aération. Vous pouvez vous nourrir de l'air pendant des jours, des semaines. Vous n'allez jamais être maigre. Vous serez toujours fort. Parce que l'air renferme beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de la nourriture. L'air est une nourriture. Ça va paraître la folie pour ceux qui sont tout nouveaux. Pardonnez-moi. Mais faites aussi vos recherches. Oh, moi, je n'ai pas confiance à Google. Je n'ai jamais vérifié. Mais allez-y chercher. Moi, c'est mon maître d'art martiaux du Ching Kong Tan Chi. Donc, Ching Kong. Il fait le Xingguang, Tai Chi et également le Xuantang. Ce sont des styles internes, parce qu'il y a des milliers de styles internes d'arts martiaux en Chine là-bas. Mais c'est dans le Qingkong et le Tungguang et le Xuanguang où on trouve toutes ces techniques-là qui peuvent vous permettre de vous guérir de n'importe quelle maladie et de vous prévenir contre certains dysfonctionnements organiques de votre corps et de même des dysfonctionnements cellulaires et des dysfonctionnements de certains tissus. Et ça crée même la naissance de certains tissus. Et ça soigne, ça prévient. Là encore, mes amis médecins vont venir encore me critiquer. Technique préventive contre n'importe quel type de cancer, si vous vous nourrissez de l'air. Rayon Nouviel a dit, allez-y faire vos recherches avant de venir dire que, oh non, mais le type là, il devient fou, quoi. Ensuite, c'est la règle, ça c'est une règle de conduite que même l'OMS vous a demandé de faire. Ça doit être une habitude pour vous. Vous avez constaté que beaucoup de gens paniquaient, mais il est où le maître? Mais c'est comment? Mais ces jours de silence sont finis, mais il ne parle pas. C'est comment? Vous me cherchez pour m'amener où? Oh? C'est pour vous dire qu'il faut appliquer le règlement là que je vous dis. 5. Restez loin des gens. Évitez au maximum d'être autour des gens tout le temps, d'être vulgaire. Je répète, Restez loin des personnes. Évitez d'être auprès des gens vulgaires. Évitez d'être auprès des personnes que vous n'aurez rien à gagner. Même si c'est votre femme ou votre mari, si c'est quelqu'un qui aime trop bavarder ou une personne qui bavarde trop, qui aime les palabres de n'importe quoi, je vous dis, hein, je prends le risque de vous le dire, hein, divorcez. Parce que ça vous amènera la mort. Hein, et ça va détruire votre système immunitaire. N'oubliez pas que, et là encore, certains m'ont dit, oh, monsieur Moreau, oh, yo, ma femme là qui me fait les matoukas tous les jours, mon mari là qui me donne les millions, toi tu viens dire, là qu'on va divorcer, oh non, on doit s'adapter, on doit s'adapter. Oui, tu dois t'adapter, mais entre-temps, ton système immunitaire va continuer à être caloigné, tu vas faiblir et tu n'auras aucun éveil de l'esprit et tu seras toujours en train de me dire, oh, mais monsieur, maître Nubien, j'ai tenté de les rites là, j'ai rêvé un chien noir qui me poursuivait, ensuite j'ai vu le chat qui me grondait, mais parce que justement, ton esprit n'est pas très stable. Et cette instabilité provient des traumatismes psychologiques que tu subis de ton type là, que tu dis que non, parce qu'il te fait bien l'amour, parce qu'il te donne les millions, mais si psychologiquement il est en train de te terroriser tous les jours, psychologiquement tu n'es pas à l'aise. Et lorsque il s'agit d'être au milieu de tes frères gabonais ou des frères africains, il devient jaloux comme un fou. Oh non, moi je veux pas que tu partes là-bas. Hein. Ça, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment bien réfléchir. Il faut réfléchir. Moi, Marion, je ne suis pas venu vous demander de casser vos mariages. Mais si vous êtes heureuse comme ça avec le type qui vous torture, qui vous crée des chocs psychologiques, et après, moi, ça ne me dérangerait pas. Moi, quand je vais venir là, vous allez encore venir vers moi, non? Oh, maître, moi, je veux une consultation de 500 euros. Oh, mais je serais content. Oui, maman, donne même 1000 euros. Oui, parce que c'est ça que vous voulez. Au lieu de suivre cette thérapie que je vous donne, donc la thérapie numéro 5, pour renforcer votre système immunitaire, je vous ai dit quoi? Restez. Éloignez-vous de toute personne qui ne peut pas créer l'harmonie dans votre vie. Même si vous êtes marié, je le répète, même si vous êtes marié, ça fait 50 ans. Ça, c'est très, très important. Merci, maman. Voilà quelqu'un qui vient de me dire là, est sélectif. Mais cette sélection-là, vous devez la faire avant même de vous lancer dans la relation. Est-ce que la personne-là, elle partage le même goût que moi? Est-ce que la personne-là va accepter que je sois dans mon isolement psychique, physique, que je dirais non? Ben, écoute chérie, ne me cherche pas, tu sais ce que je fais tous les lundis, tu sais ce que je fais tous les dimanches et lundis, je ne parle pas, je m'avais un peu isolé, je m'avais à la forêt là-bas. Tu ne vas pas être là maintenant? Oh, mais tu n'amènes pas ton téléphone? Pourquoi tu amènes ton téléphone? Tu fais quoi là-bas? Quelqu'un avec toi? Non, là, ce n'est pas bon. Il faut être sélectif. La spiritualité demande le silence, demande normalement 70% de votre vie doit être dans le silence et sans parler trop. Moi, j'applique seulement même 60% seulement. Parce que là, je viens ici, là, je parle. Je suis là-bas sur le baba, je parle. Je ne vais pas même faire toutes ces histoires-là. Voilà les vrais mystiques, c'est comme ça qu'ils vivent. Ils ne parlent pas, ils vivent dans les montagnes là-bas. Bon, moi, je ne vous ai pas demandé maintenant de quitter vos maris et aller vivre dans les montagnes ou vos femmes. Non. Mais retenez bien que toutes les relations où vous êtes dans une ambiance négative tous les jours, où le type, où la femme toujours en train de bavarder des palabres, moindre petit problème qui devait être résolu tranquillement en une minute, elle amène ça pour un long débat ou bien il amène ça maintenant pour un long palabre. Moindre chose, oh non, tu m'as stressé. Moindre chose, oh, tu m'as stressé. Ah, mais si cette personne-là pense que vous le stressez, vous la stressez, c'est pas la peine, s'il vous plaît. Éloignez-vous. Ah oui, éloignez-vous. Vous n'êtes pas dans le bon milieu. Parce que Babylone, on trouve Babylone partout, hein. Babylone est même dans notre propre vie, dans notre maison, dans notre lieu de travail. Bon. La loi numéro 6, que beaucoup là, vous avez des problèmes à observer. Je ne vous demande pas de faire 3 jours comme moi, mais prenez même un jour dans la semaine. La loi du silence, s'il vous plaît. Apprenez à garder le silence pendant une journée. Pas de télévision. Même pas de show. Il ne faut pas venir même regarder mes enseignements là. Non, ne regardez pas ça. Pendant une journée, 24 heures, vous ne parlez pas. Vous fermez votre téléphone. Votre lieu de travail là-bas. Bon, si vous travaillez de lundi à dimanche, les jours que vous êtes de repos, mais prenez. Si vous avez 2 jours de repos, mais prenez même un jour de siège. Mais moins de choses, vous parlez trop. Savez-vous que c'est quand vous parlez beaucoup là que vous dépensez les énergies? Donc, prenez un jour de silence. Le grand créateur de l'univers, il ne parle pas. Vous ne pouvez pas prendre la leçon à partir du créateur de l'univers. Vous n'avez pas remarqué que ce sont les gens qui gardent le silence qui réussissent le plus dans leur vie. Ce sont les gens qui gardent le silence qui réussissent le plus dans leur vie. Apprenez cela. Hein? Donc, 2 à 3 jours de silence. Loi numéro 7. Pratiquez le culte des ancêtres 1 à 2 fois par mois. Je répète, pratiquez le culte des ancêtres 1 à 2 fois par mois. 8, pour terminer. faites l'amour régulièrement avec la même personne. Si vous n'en avez personne, abstenez-vous. Il n'y a aucun mal à cela. Je répète, faites l'amour régulièrement avec la même personne. Maintenant, si vous n'avez personne, n'osez pas jouer avec les sentiments des gens n'importe comment. Vaut mieux vous abstenir que d'aller emmerder les gens. Sur les messengers, sur le bas téléphone, tu vas embêter le pauvre gars, lui poser des questions bizarres, tu vas le charmer, tu te vois maintenant en train de monter ton sourire. Toutes ces conneries-là, c'est pas bon. Ça crée la disharmonie. Je répète, ça crée la disharmonie dans le plan cosmique et invisible. Alors, votre système immunitaire va prendre un coup. Pourquoi il prend un coup? Mais parce que, je vous l'ai dit, en tant que mystique et même scientifique, que ce qui contribue au renforcement de votre système immunitaire, c'est l'ambiance directe et indirecte de votre environnement, direct et indirect, partant de ce que vous consommez, de ce qui sort de votre bouche, vos pensées, vos paroles, et de ce qui vous est bombardé tous les jours, ce que vous regardez, ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et c'est tout cela qui contribue à cela. Donc, conséquemment, faites l'amour régulièrement. Et pour les hommes, vous devez jouir 21 fois par mois. Je répète, les hommes, là, il faut jouir 21 fois par mois. Mais à quelle période? Avant que la lune ne soit pleine, vous faites l'amour. Tous les jours, même si vous voulez. Mais rassurez-vous que vous jouissez seulement 21 fois. Jouir 21 fois veut dire quoi? Jouir 21 fois veut dire que si aujourd'hui, là, tu n'as pas joui, demain, tu peux jouer une ou deux fois. Ça n'engage que toi. Pouvez-vous avoir un carnet? Si vous voulez, hein. Mais vous devez faire l'amour. Normalement, même la logique veut que vous fassiez l'amour pendant 21 jours. Puisque maman, à partir du 21e jour, ou 28e jour, n'est-ce pas, elle est dans leur histoire des femmes là. Mais dans la vie, il y a 4 semaines. Il y a une semaine qui est réservée à la pureté pour laisser maman tranquille, logiquement. Donc, vous avez 3 semaines. Mais 3 semaines égale combien de jours? 21 jours. Ah, donc, la science de Tétan Mwanga, la science de votre humble serviteur, donc ne se trompe pas, jouissez 21 fois par jour. Mais 21 fois par jour, vous pouvez donc jouer une fois par jour pendant 21 jours. Et il est prouvé que la lune devient pleine après 21 jours. Elle est totalement pleine. Vers maintenant, lorsqu'elle atteint sa plénitude qu'on appelle le quartier plein, pleine lune. Au premier quartier, faites l'amour. Deuxième quartier, faites l'amour. Lune pleine, faites l'amour. Mais dès qu'elle est maintenant pleine, qu'elle commence à descendre, arrêtez. J'avais déjà expliqué dans un enseignement ce que ça veut dire. Je ne vais plus revenir. Maintenant, pour les nouveaux, je vais brièvement vous le dire. C'est parce que la spiritualité fonctionne de deux manières. En phase aspirative et en phase inspirative. C'est-à-dire en phase en canope et en décanope. En canope veut dire que quand la lune, puisque nous vivons à partir du calendrier lunaire normalement, hein, ce n'est pas le calendrier solaire qu'on nous a imposé là, mais en phase lunaire, depuis la nuit des temps, depuis nos ancêtres, même avant l'Égypte, et même nos frères rouges qui vivaient là-bas en Mars, c'est comme ça. Ils comptaient ça tout en 28 jours. Donc, du 1er jusqu'au 14e jour, vous avez constaté que la Lune est en phase pleine. Elle devient pleine au 14e jour. C'est clair, non? Le 1er, vous comptez bien. Premier quartier, ça fait une semaine. Deuxième quartier, Lune pleine, c'est normal au 14e jour, c'est plein. Maintenant, les autres 14 jours, qu'est-ce qui va se passer? L'amour, je veux dire, la Lune commence à descendre. On appelle ça la phase descendante. La lune est en phase ascendante du 1er au 14e jour. Tout comme l'homme dans ses ambiances, il bougie l'argent qu'on lui donne, ça paye la fin du mois. La fin du mois et le milieu du mois, c'est là où l'homme devient fou. Il fait l'amour, les motels du Gabon, les motels de toute l'Afrique, même en France, c'est toujours plein, malgré les fièvres corona ou corona, je ne sais pas trop quoi. Souvent, première semaine, deuxième, les deux premières semaines, c'est les ambiances. N'en parlons même plus des deux dernières semaines. Quand la lune descend, qu'est-ce que vous avez constaté? Lorsque la lune pleine, elle commence à descendre. Les fous deviennent de plus en plus fous. Les femmes deviennent de plus en plus vraiment envieuses de faire les affaires. Les hommes deviennent des embrouillés, ils dépensent l'argent n'importe comment. Pourquoi? Mais parce que vous êtes en phase de canope. La phase de décanope, c'est lorsque l'énergie divine cosmique qui est descendue normalement du premier jour jusqu'au 14e jour, c'est-à-dire à la moitié de la lune, cette phase de descente, c'est pour vous permettre de profiter, de voler, de prendre les énergies. Maintenant, là, il va commencer à monter avec l'énergie. Et quand cette énergie électromagnétique terrestre monte, c'est là où l'énergie divine cosmique de Tétamonga Dibangabanga descend. Mais elle descend normalement, c'est quand la lune décroît. Oh, Tétamonga Dibangabanga, comment ça se passe? Donc, la lune est en train de descendre. Pardon, la lune est en train. Comment dire? Oui, la lune est en train de décroître et Tétamonga vous donne. Tétamonga vous donne. Donc, c'est en ce moment-là, c'est en ce moment vous déposez toutes vos demandes. Voilà pourquoi quand vous verrez les rites, C'est un rite calendrier. Quand vous avez le calendrier de rite, on vous dit quoi? Regardez encore ceux qui ont le livre bleu ou d'autres livres, la magie, la pratique de la magie cérémonielle, la pratique de la magie sorcière. On vous explique que quand la lune est pleine, il y a certaines choses qu'il faut éviter. On ne peut plus parler, on ne peut plus même faire l'amour. Mais or, c'est en ce moment que les femmes sont en ovulation. C'est en ce moment que les animaux sont en ovulation. C'est en ce moment que les gens ont tendance à dépenser l'argent n'importe comment. Bref, oh bon Dieu, ce chapitre-là risque de nous amener loin. Là. Donc, vous avez bien retenu, 21 jours, vous faites l'amour. Je vous l'ai dit, 21 jours, vous devez jouer. 21 fois, tant pis. Faites l'amour régulièrement et jouir 21 fois par mois jusqu'à la lune pleine. Mais une fois la lune se décante, c'est-à-dire quand la lune est en position descendante, ne faites plus l'amour. Pardon, parce que c'est là où vous demandez normalement d'être en cafouron. C'est là où les génies sont ici-bas. C'est là où les ancêtres, comment dirais-je, les grands génies de la Kabbale, hein? Les grands esprits puissants, c'est même là où t'étais moi, quand vous donne tout, tout, tout. Ok? Apprenez à observer ça à partir du jour. Donc, quand vous faites des demandes, commencez à émettre vos demandes quand la lune commence à monter. Et quand la lune monte, jusqu'à ce qu'elle soit pleine, vous arrêtez de prier. Et quand la lune va commencer à descendre, t'étais moi, moi j'ai déjà parlé, j'ai déjà tout donné, c'est à toi de t'en occuper. Bon, j'en ai terminé sur ce soir. Donc, maintenant, là, avez-vous des questions? Avez-vous des questions là ou pas? Pour qu'on se quitte. Parce qu'il se fait tard, je crois. Hein? 19h35. Oh là là. Pardon, il se fait tard. Je crois qu'on va se quitter. Sauf si vous avez d'autres questions. Avez-vous des questions? J'espère que ça a été clair, hein, les deux méthodes de comment renforcer votre système immunitaire. Ça passe par la méthode d'abord traditionnelle, c'est-à-dire scientifique, qui consiste d'abord à connaître qui vous êtes et vous connaissez qui vous êtes. Qu'est-ce que c'est un système immunitaire, n'est-ce pas? C'est l'ensemble de ces cellules qui vous protègent contre les attaques des autres corps étrangers, n'est-ce pas? Les corps, les anticorps et tout ça qui sont là. Mais ces anticorps sont renforcés par quoi? On vous l'a appris que la création de, par cette affaire de lymphocytes, lymphocytes T ou bien thymus, qui proviendrait, n'est-ce pas, des cellules du corps, ceux qui sont ainsi de suite, et ça permet donc de donner des alarmes. Mais pour avoir ces alarmes, on vous a conseillé un ensemble d'aliments. Et c'est ces aliments-là qu'il vous faut constamment manger. Une fois que vous mangez ces aliments, et vous verrez que votre système immunitaire se renforce naturellement. Et ensuite, ça c'est une nouvelle personne, les rites pour la protection. Mais oui, maman, le rite de la protection, on en parle tous les jours. Le rite d'urine, c'est un rite de protection. Sur le rite d'urine, là, on a parlé de la protection en profondeur. On vous a montré une technique, comment votre propre urine, tout le temps, chaque matin, chaque soir, vous devez verser ça devant les portes de votre maison. Vous pouvez même faire le tour de la maison à verser les urines là, partout. C'est une technique de grande protection. Il y a également un arbre chez nous qui produit une certaine plante bizarre, là, qui est comme une cuillère, comme ça, comme la main. Cette plante-là, j'oublie le nom, vous la mettez sous votre lit. C'est une technique de protection. Vous n'avez pas besoin de prier, vous mettez ça sous le lit. Terminé. L'ail que vous voyez là, l'ail. Hein? Oui, même, voilà, maman a dit même avec le vin là, c'est bon. Mais l'ail que vous mangez tous les jours. Savez-vous que l'ail protège quelqu'un? Vous prenez l'ail, vous mettez ça dans un tissu blanc, vous mettez devant la porte de votre maison cachée là, ou bien dans votre chambre. C'est à moi. Qui va venir oser vous déranger? Celui-là, il va avoir des problèmes. Déjà, là, il y a déjà un problème de goût bizarre. OK? Donc, maintenant que nous avons fini sur cette affaire, qu'est-ce qu'on peut dire? La conclusion est la suivante, et elle est claire. Au vu de la science, la tête à moi. La science nous a démontré. Oui, la plante de l'intelligence existe, maman. Il y en a plein. Je vous ai parlé, vous êtes nouvelle, je comprends. L'ananas fait partie des aliments qu'il faut consommer pour augmenter votre intelligence. Le miel avec mélange avec le citron. Oh, il y en a plein. Bien, je vais conclure. Vous venez poser des questions, maintenant on est à la fin. 1h30, ce n'est pas bon. Je ne vais pas garder les gens éveillés. Alors, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Je vais vous amener dans le monde de la science. Avec preuve à la main. Qu'est-ce que c'est le système immunitaire? Et comment ça fonctionne? D'abord, dans sa définition, on nous a dit que c'est un ensemble de cellules. Et dont leur rôle, c'est de nous protéger. Nous protéger contre certains micro-organismes, certains molécules étrangères, les polluants et tout ça, certains organismes bizarres étrangers. Nous avons le virus de corona. Ça, c'est le rôle. C'est ce qu'on a donné la définition du système. Mais maintenant, comment ça marche? On nous a dit que non. Les cellules qui nous protègent là, en fait, elles sont des souches ou d'origine lymphoïdes. Et ces histoires de lymphoïdes là, donc, donnent naissance à des globules blancs. Et ces globules blancs, à leur tour, qu'est-ce qu'ils vont faire? créer les lymphocytes. Et ces lymphocytes, il y en a des types B et des types T. Bon, là, on nous a parlé de type T. Non, ces lymphocytes de type T, donc, coordonnent la réponse immédiate pour que tous nos anticorps réagissent immédiatement. Mais pour que ceci soit possible, on nous a dit il faut surveiller son alimentation. Quand vous suivez votre alimentation, surveillez aussi ce qui sort de votre bouche. Examinez votre environnement direct ou indirect. Ensuite, nous sommes passés dans la liste des 8 commandements. Dans ces 8 commandements, on nous a parlé de l'isolement psychique. On nous a parlé de l'isolement psychique et physique. On nous a parlé de quoi? De la méditation transcendantale. C'est-à-dire aux heures bien indiquées. 4 fois par jour. Minuit, de 4h30 à 6h, matin, ainsi de suite. Et on nous a parlé de la technique également de la respiration, avec rythme, de 30-30-30-30. Et je vous ai donné une référence, Winoff pourra bien vous aider. Vous pouvez suivre ces vidéos, ça va vous aider dans ce sens-là. Donc, ceci donc étant, nous avons également parlé de la consommation de l'air. Mais je vous ai dit, c'est facultatif parce qu'il faut une formation à ce propos. Et il y a la pratique, n'est-ce pas, de nos ancêtres. Pratiquer le rite des ancêtres, 1 à 2 fois par jour. Cela est très, très, très, très, très, très important. Et nous avons conclu avec ce que les gens considèrent comme étant un sujet tabou, c'est-à-dire faire l'amour régulièrement si vous avez un partenaire. Mais si vous n'avez pas un partenaire, est-ce que vous manquez de vous? Non. Au contraire, conserver ces énergies sexuelles augmente votre taux de l'audience et surtout de votre taux énergétique. Maintenant, si on a des partenaires, on a dit, faites l'amour régulièrement. Mais seulement rassurez-vous que vous le faites avant que la lune commence à descendre. Une fois la lune est pleine, arrêtez. Vous pouvez jouir. Pour les hommes, 21 fois. Pour la femme, même 100 fois, il n'y a pas de problème. Parce que la femme est un grand réservoir. Donc, sur ce, nous avons fini notre live de ce soir. Que t'es à moi, Ivanka vous finisse. Merci de m'avoir suivi. Pardonnez-moi si j'ai offensé nos hommes politiques, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui me suivent ici. Pardonnez-moi. Mais quand il s'agit de parler du problème de la psychologie, hein, c'est grave, ça touche tous les domaines de la vie. Pardonnez-moi si je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions, maman, c'est. Et il y a les aliments de protection. Ça fera l'objet de notre enseignement. Si vous voulez que je me concentre uniquement à cela, quels sont les aliments qui nous permettent de nous protéger totalement? Et quand on parle de protection, c'est de protection métaphysique, mystique. Oui, il y a des aliments. Et parmi lesquels, je vous ai donné l'ail déjà, un avant-goût. Il y a l'ail, il y a le citron. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Merci. Que tu t'aimes, mon gars. Merci encore. Merci. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Thank you. $30,000.